Bélier, si vous aspirez à plus de reconnaissance sociale, faites ce qu'il faut et mettez-vous en avant. Taureau, vous vous nourrissez peut-être de façon déséquilibrée, compensez en prenant des vitamines et des oligo-éléments. Gémeaux, vous traversez une période de réflexion qui vous permet de faire le point et de recadrer vos objectifs professionnels et personnels. Cancer, toujours aussi verni les célibataires. Vénus dans votre signe veille avec tendresse sur vos amours naissantes. Lion, vous êtes très en beauté, ce qui ne fait qu'accélérer le processus de la rencontre. Vierge, vous avez des choses à faire, des projets à initier, des idées à valoriser, certes, mais prenez tout votre temps. Balance, réfléchissez bien avant d'agir, ne vous lancez pas bille en tête dans de nouvelles entreprises. Scorpion, Mars vous dynamise, vous débordez d'énergie. Défoulez-vous en pratiquant une activité sportive, cela vous fera le plus grand bien. Sagittaire, la configuration astrale du jour vous permet de réactualiser d'anciens projets mis de côté. Capricorne, ne brusquez pas les choses avec votre partenaire. Vous êtes impulsif en ce moment, ce qui peut déclencher des conflits sous-jacents. Verseau, vous manquez de mesure, calmez-vous. Accrochez un sourire à vos lèvres et détendez-vous. Poisson, vous devez faire des concessions pour harmoniser votre relation conjugale.